Je suis dans le noir et dans ce tunnel. Je me sers des parois pour avancer. À tâtons, la lumière, je ne la vois pas. Mes pas résonnent, s'amplifient. Je n'entends que la lame, un bruit infernal. S'évader, à quel prix y as-tu déjà songé? Prends le premier vol en partance, sans retour, sans marche arrière. Plus revenir dans ses tourments, ne pas s'assagir. Pourquoi faire? On aura tout le temps étant mort. Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Je te retourne la question. Dis-moi si elle sert à quelque chose. Je n'attends plus rien. Fais ce que tu dois et vis. Comme si c'était la première fois.